une histoire particulière. Mifa, c'est Marie-Françoise. Nous avons fait sa connaissance hier dans le premier épisode grâce à Charlotte Pouche et Anna Smuk. Mifa, donc, est une nageuse compétitrice. Elle a 72 ans et avec ses compagnes de piscine, Régine, du même âge, Claire, 85 ans, Christiane, 75 ans, elles nous ont fait vivre leur épreuve du 1500 mètres du championnat des maîtres de Dunkerque du mois de mars dernier. Un documentaire très tendre où nous aimerions bien être aussi agiles qu'elles au même âge, aussi en forme, aussi positives et persévérantes. Elles témoignent de la solitude et des meilleures manières de l'éviter, des épreuves de la vie, du corps qui portent les traces du temps. Nager, c'est m'accepter en tant que femme. J'ai la peau qui vieillit, le corps qui se déforme, alors nager, c'est une belle ligne de conduite. Et j'ai toujours le souci du style que j'essaie d'améliorer. Des vestiaires au plongeoir jusqu'au podium, nous les avons accompagnées, avec surtout une envie de ne pas les quitter. Alors retournons à la piscine, puisqu'il n'y a pas d'âge pour la nage, rejoignons notre compétitrice Mifa, plongeons avec elle à la recherche des tendres souvenirs de nage. Bonjour. Bonjour. Faire un ticket, s'il vous plaît. Prenez un abonnement, c'est plus avantageux. Réduction tarifaire, coupe-fil, prêt de serviette. Ah bah oui, alors je prends un abonnement. Bah, bah voilà, on fait ça. Ton maillot ? Il y a toujours l'odeur des piscines. C'est quand même très agréable, même si ça sent trop le chlore. Se jeter à l'eau, souvenir de ma première brasse. Charlotte Pouche, Anna Smuk. Je suis très bien dans l'eau, je me sens bien dans l'eau. On est en apesanteur dans l'eau, on a mal nulle part. Il n'y a plus question de crampes, de choses comme ça, d'arthrose, ni rien, parce que j'en suis criblée. Et c'est très bon pour la santé, pour le souffle aussi. C'est un élément caressant, c'est un lieu de plaisir sensuel d'abord. Ça devrait être d'abord un lieu de sensualité, la piscine. J'adore l'eau, j'adore nager, j'adore les compétitions. Je suis une compétitive avant tout. Pas l'état des jeunes, hein. Oh, c'est pas grave. Déjà, ce que vous allez faire, c'est super, c'est bien. J'ai besoin d'une épaule aussi, hein, pour monter. Ah, ben, je vais vous aider. Il n'y a pas de souci, on y va. Il faut l'aider, madame, pour monter. Il faut m'aider à monter. Ah, je suis pas dans le coin. Une épaule, ah oui. Elle va plonger. Oh là. Oh là. Alors Claire, la doyenne, elle se prépare, elle est sur le plot pour le départ. On va entendre le départ. Elle s'est déjà fait aider par deux personnes pour monter sur le plot. Et là, elle va partir. Ça y est. Le plongeon est elle bon est ou pas partie. Oui, oui, elle a bien plongé. Pour le peu de mobilité qu'elle a, elle plonge très bien et elle nage très bien. Elle passe bien les bras, elle a un bon style. Hein. C'est quelle nage ? C'est du pro. Pourquoi vous voulez apprendre à nager ? Enfin, je veux dire, pourquoi maintenant ? Je sais pas, parce que j'ai envie d'apprendre à nager. J'ai un monsieur de 72 ans qui apprend à nager. Ça va, c'est pas 72 ans. Ouais. Non, mais enfin, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'âge. Quoi. Alors, c'est à 50 mètres nage libre, elle s'appelle Claire Aget, et elle a déjà fait 25 mètres. Là. Elle revient, elle est à peut-être 40 secondes. Alors, elle est dans le couloir numéro 1. Et puis, elle a toujours un bon rythme, là. Elle avance toujours bien. Donc, elle a fait 1.06.31. Alors, moi, je me présente. Je fais un petit court-métrage au sujet des gens qui nagent beaucoup, qui aiment l'eau et pour qui me parlent de l'eau. Hein. Et donc, je m'appelle Marie-Françoise Avenel. Et vous, quel est votre prénom ? Claire Aget. Et je suis au club du 3 Omnisports Natation dans l'Aube. Dans l'Aube. Et vous avez quel âge ? J'ai 85 ans dans 2 mois. Oh là ! Alors, si vous voulez me parler de votre première rencontre avec l'eau, quel est votre souvenir ? Mon souvenir avec l'eau, j'avais 9 mois. Je ne savais pas marcher. Mon père et ma mère étaient maîtres nageurs. Ils m'ont balancé dans l'eau et puis ils m'ont dit, maintenant, reviens au bord et nage. Voilà. Et vous vous en souvenez ? De cette anecdote. Non, je la récite, mais je m'en souviens pas. C'est mes parents qui me l'ont rappelé. Mes premières compétitions à 9 ans. J'ai quand même été sélectionnée dans le Midi et j'ai fait mes premières compétitions. Et puis après, je me suis mariée, j'ai eu 4 enfants. Je tenais une boucherie charcuterie, donc j'ai fait un break de 35 ans. Et j'ai repris la natation à mes 60 ans, à ma retraite, en 1994. Et depuis 1994, je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine. Et j'y tiens absolument. Maintenant, j'ai dit à mes petits-enfants, je ne vous garde plus pendant les compétitions. Hein, vous. Voilà, pendant ces jours-là, je ne suis pas libre. Merci. Il était beau le plongeon. Pas le plongeon peut-être, mais le temps il est moins bon. 1:06. Je faisais moins de la minute à l'avant. On va un tout petit peu moins vite plus tard. Hein. Avec l'opération que j'ai eue l'année dernière, donc ça m'a fait un an sans trop d'entraînement. Ben vous allez remettre ça l'entraînement maintenant. Hein? Ben, je m'entraîne quand même 5 fois par semaine, mais je fais moins de distance. J'en fais moins. Bon, je fais 2000 mètres par séance, mais avant j'en faisais 3000. Mais maintenant j'en fais beaucoup moins. Bravo en tout cas. Hein? Demain ça va être dur le 100 mètres. Mais je le finirai en dos. Oui. Je peux. Je vais me changer. Ouais. Qu'est-ce que vous avez autour du cou là ? C'est une médaille d'aujourd'hui. C'est mon 190e titre de championne de France. Et là, c'est le 50 nage libre dames en catégorie C13. Voilà. Mon temps n'est pas très bon parce qu'on vieillit un peu. De plus, je me suis fait opérer du dos l'année dernière, donc ça a été une année sans entraînement. Et là, je reprends assez contente. Pourquoi vous nagez aujourd'hui et dans les mètres ? Déjà, c'est un plaisir et c'est une passion aussi. J'adore l'eau, j'adore les entraînements en piscine, j'adore le contact avec des jeunes. Il y a 400 licenciés dans notre club. Donc je suis bénévole, j'entraîne un peu quand l'entraîneur n'est pas libre, je range le matériel, je m'occupe au bureau, je fais les licences. Pourquoi ne pas être bénévole ? D'abord, ils ne pourraient pas me payer, déjà, parce que les associations, les clubs ne sont pas riches. Hein. En plus, je suis avec les jeunes, c'est agréable. Ça évite de vieillir trop vite. Voilà. Et justement, au sujet de la vieillesse, qu'est-ce que c'est pour vous d'être vieille ? Eh ben, c'est bien, bien difficile de vieillir parce qu'il y a des jours où on a un peu mal partout, mais il faut quand même s'entraîner, y aller quand même. Mais j'ai 10 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants, petites filles. C'est un exemple pour eux. Puis je les entraîne et je dis, venez à la piscine, venez, il faut nager. Savoir nager, c'est indispensable dans la vie, de toute façon. Il est joli, votre maillot. Ce palmier, là, c'est joli, ça. Hein ? Allez, on va faire trempette, ma cuisse, on y va. Allez, c'est pas avoir peur, il n'y a personne qui va vous manger. Elle est froide ? On fait la petite grenouille, on commence par la petite grenouille. La grenouille ? La petite grenouille, on y va. Hein ? Allez, Samir, allez. Voilà, voilà, exactement. On avance comme ça, un pas. Encore. Elle est contente, la petite grenouille. Elle se détend les épaules, la petite grenouille. Bon, on veut savoir nager ou on peut savoir nager ? Si vous aviez à définir le mot nager, comment le définiriez-vous avec vos propres mots ? C'est être à l'aise dans l'eau, aimer plonger, aimer aller un peu sous l'eau, et puis faire quand même quelques performances. J'adore plonger. Dès qu'il y a un endroit où je peux plonger, dans des petites criques, dans des rochers, je suis très prudente. Je vérifie toujours, toujours avant, s'il n'y a pas de rocher en dessous et tout, je saute, je vais voir. Mais ça, je plonge de n'importe où dès que je peux. Quand on nage, on se détend, on se fait du bien musculairement. Et puis, c'est agréable d'être dans l'eau quand même, parce qu'on ne porte pas son poids. l'eau déjà d'habiter Biarritz, avec les vagues, avec l'eau de mer, l'été, tout ça, on était toujours à jouer dans l'eau. J'aime beaucoup, c'est quand il y a des paysages superbes. Ça m'est arrivé d'aller en montagne, j'y vais de temps en temps marcher. Et là, quand il y a des lacs de montagne, si c'est pas trop glacé, si c'est en été, là j'ai envie d'aller nager dedans parce que c'est faire partie du paysage. C'est nager dans le paysage et ça j'aime beaucoup. Nager, c'est être bien, c'est être dans un élément qui enlève tous les tracas de la vie. C'est un moyen de se prouver qu'on est encore capable de faire quelque chose avec son corps, même si c'est pas évident qu'il existe encore. Ça rend heureux et ça fait qu'on a toujours plein d'amis qu'on aime retrouver régulièrement. J'aime bien, ça me détend. Et puis si je suis nerveuse ou de mauvais poil, alors je vais à la piscine et puis après je me sens mieux. Et après on est fatigué, alors tout le reste... J'aime bien nager. Et là, j'ai repris et j'ai moins mal au dos. Dans la piscine, la nage que je fais, c'est-à-dire la brasse, ça m'a toujours plu parce que c'était une nage où on glissait. On se sent glisser. Comme les crocodiles. Mais vous n'avez pas les mêmes dents. Et puis l'eau qui jaillit, hein, l'eau qui donne la vie. Tu commences ta vie. Tu commences ta vie au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux. Qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins, que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches de midi. Bonjour, je suis Kiki Caron. Vous me connaissez certainement en tant que nageuse. C'est ici, à la Croix-Catelan, au Racing Club de France, que Christine Caron a commencé à nager vraiment, il y a 5 ans. Et comment avez-vous commencé à faire de la natation, Christine ? Eh bien, j'ai suivi ma sœur qui allait souvent à la piscine. Et comme ça, j'ai appris à aimer l'eau. Et voilà. Nous nous trouvons au bord de la piscine Georges Valeret à Paris, où se déroule du 13 au 23 juillet 1963 les Critériums de France, ambiance de compétition de jeunesse. Parmi les encouragements les plus prodigués aux jeunes espoirs, le cri le plus répété est « Allez Kiki, allez Kiki ». Kiki, de son vrai nom Christine Caron, grande vedette française de natation et depuis quelques jours grande vedette mondiale. À 15 ans, outre les records français, 2 records d'Europe. Je ne regarde jamais le chrono. Hein. Donc là, ça s'est terminé depuis très très longtemps. Je nage pour le plaisir. Et je fais des séances de 2 ou 3 kilomètres maximum. Parce que je nage quand même lorsque j'y suis. C'est un sport qui est super bon pour tout le monde. Et c'est un sport qu'on peut faire à tous les âges. Et c'est un sport où on n'a pas de blessures importantes. Vous voyez, je nage 3 fois par semaine. Parce que c'est un sport complet qui est très bon pour essayer de se maintenir en forme. Donc je nage pour le plaisir, pour m'entretenir, pour faire un petit coucou à tout le monde. Enfin voilà, puis j'en ai besoin pour ma santé, c'est important. Je crois que nous pouvons rester dans l'ambiance avec André Vival qui a interviewé la nouvelle record woman du monde. Et tout d'abord, l'annonce du temps. Le record du monde est battu. En effet, le record du monde appartenait à l'américaine Donna de Varona en 1 minute 8 secondes 9 dixièmes depuis le 16 février 1963. Et après avoir battu son record d'Europe il y a quelques jours, eh bien, comme nous l'avions laissé espérer, Christine Caron a battu le record du monde. La voici, asseyez-vous à côté de moi, Christine. Christine Caron, le souvenir de votre premier bain. Alors le souvenir de mon premier bain, c'est en Normandie. Je suis une Parisienne d'origine normande et comment dire, j'avais beaucoup de famille là-bas et nous y allions quand j'étais enfant. Et c'était un réservoir laissé pendant la guerre. C'était un grand réservoir, ils en avaient fait une piscine et on balançait les mômes là-dedans pour qu'ils essayent de nager. C'est un petit peu, comment dirais-je, un petit peu difficile. Donc l'eau était glacée, évidemment, pas chauffée. Donc on appelait ça une potence. Donc c'était, c'était une espèce de ficelle où on pendait les mômes attachés autour de la taille. Et puis bon, voilà quoi. Enfin, c'était rien de ludique, rien de sympathique. Mais c'est mes premiers souvenirs de bain, entre guillemets, en piscine. Fléchissez les genoux. Fléchissez. Et remontez. On va faire la même chose en prenant une inspiration et en allant dans l'eau. À trois. Un, deux, trois. Les bras moulinants, les corps alignés, poursuivent inlassablement leur quête mystérieuse. Voilà. Moi, je trouve que ça me parle vraiment. Passer son brevet. Voilà. Voilà. Ça, c'est vrai. Je me rappelle la fois que j'avais passé le brevet du quatenage. Oh, oh là là. Ça, c'était terrible. Ne pas savoir jouer au foot, on n'en meurt pas. Mais ne pas savoir nager, on peut en mourir. Hein, on peut se noyer. Tout le monde devrait savoir nager très jeune. C'est d'ailleurs là que j'ai appris à nager dans cette Il y a piscine. Longtemps Oui, au début de juin. Au début ah, de juin. Mais comment ça se fait que vous avez appris à nager seulement cette année? Parce que j'ai décidé ça, parce que j'ai failli me noyer plusieurs fois. Ah, mais c'est une bonne raison. Oui, alors une fois j'ai décidé, il faut que j'apprenne, quoi. Tendu serré. Hop. Tendu serré. Ça va, Anaïs? T'as très bien travaillé, ma puce. C'est excellent. C'était ton combien de cours aujourd'hui? Troisième. Tu te rends compte de ce que tu fais au bout de trois cours? Et tu as quel âge? 6 ans. Tu as 6 ans. Tu sais déjà faire tes jambes? On a appris les bras. Tu sais faire la coordination des bras et des jambes. En fin de compte, tu sais nager en brasse correctement. Avec des flotteurs, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à continuer et à enlever les flotteurs au fur et à mesure. L'eau, c'est une caresse. Le geste du nageur, c'est un mélange de force et de souplesse. Il y a une élasticité de l'eau, une inconsistance qui doit devenir consistance. En fait, sous la main du bon nageur, l'eau devient un élément solide. L'eau cesse d'être un élément fuyant et solide. Et sous la main du non-nageur, de celui qui a encore peur de l'eau, même s'il nage un petit peu, l'eau c'est du vide. Et hors l'eau, c'est du plein. Et le nageur ou l'enfant petit qui commence à se débrouiller, qui a pris confiance dans l'eau, il a compris profondément que l'eau ce n'était pas du vide, que c'est du plein et que c'est aussi lourd que lui, donc qu'il peut y flotter, évoluer, etc. Fais la course. Crawl ou brasse? Crawl. Brasse. D'accord. C'est parti. Moi, c'est une grande sérénité d'être dans l'eau. Cette sensation de l'eau qui vous glisse sur le corps et tout. Et c'est presque jouissif comme sensation parce que maintenant, comme je nage, je regarde pas le chrono, j'ai le temps de le sentir plus et d'y penser plus, si vous voulez. Bon, alors, comment tu t'appelles? Régine Richer. Oui, et est-ce que tu peux me dire quel âge tu as? Ben, j'ai 72 ans. Et moi, je suis mi-frage, je fais un petit court-métrage et je recueille des impressions des nageurs sur leur relation avec l'eau. Alors, est-ce que tu peux me parler de ta première rencontre avec l'eau ? En fait, moi, dans ma famille, personne n'était sportif. Quand j'étais petite, je nageais pas. Et moi, j'avais très, très, très, très, très envie de nager. Donc, j'allais en Bretagne avec ma grand-mère. Et donc, je me baignais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même avec 13 degrés d'eau, j'étais contente, contente, contente d'y aller. Puis, un jour, j'avais vu une petite fille qui prenait des cours particuliers donc, dans une piscine gonflable donc, sur la plage. Et donc, j'allais la regarder tout le temps en me disant « Oh, je rêverais de faire ça un jour !» Mais c'était que dans ma tête. Alors, je me mettais sur un tabouret, puis je faisais des mouvements comme ça, comme son maître nageur lui avait expliqué. Ouais. Après, en fait, j'avais décidé de nager pour le bac, pour avoir des points en plus. Et j'étais très, très, très, très contente parce que ça me rapportait des points et je trouvais ça bien. Bon, bah après, j'ai pas nagé du tout parce que je travaillais beaucoup et je faisais mes études de médecine, donc j'avais pas le temps. Et on a eu des enfants, puis la première chose qu'on s'est dit, « Oh, faudrait vraiment qu'ils fassent du sport, c'était trop bien !» On les accompagnait partout, en stage, tout. Puis quand ils ont arrêté de nager, « Oh, c'était un énorme vide dans notre cœur. On s'est dit, c'est pas possible. On pourra pas vivre sans cette natation. » Quand vous regardez les nageuses, les compétitrices de maintenant, qu'est-ce que vous vous dites ? Eh bien, je me dis qu'elles ont beaucoup de chance de nager dans d'aussi beaux maillots de bain, parce que les nôtres étaient quand même... Les miens sont au musée du sport, hein, donc ils sont très bien là. C'était l'équipe des Poussines. Comment vous est venue l'idée, Nifa, d'aller questionner vos adversaires sur leur rapport à l'eau? Alors, j'ai envie de faire un film pour avoir des témoignages de personnes qui ont appris à nager dans des milieux naturels, rivières ou lacs. Bon, papa avait appris à nager dans un étang. Et puis, dans un endroit où les gens pouvaient se lancer, enfin, et avoir... y aller d'eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin de guide, c'était authentique. Ben, je respecte ça chez eux, parce qu'ils aiment l'eau, quoi. Et ce sont évidemment des personnes âgées, et ça m'intéresse de retrouver leurs témoignages, puisque maintenant, il n'y a plus les endroits naturels comme ça. Il y a les piscines municipales, et puis, et Dieu, c'est formidable, parce que pour les enfants, il y a les leçons de natation. Et maintenant, les gens sont plus livrés dans la nature à essayer de faire trois brasses dans un bout d'étang. Eh bien, monsieur Avenel, vous en êtes à quelle édition de cette coupe, s'il vous plaît ? C'est la deuxième édition. Eh bien, elle se déroulera où ? Elle se déroulera à la piscine de la plage. Oui, c'est un bassin de combien, ça ? Un bassin de 25 mètres en eau de mer. Oui, c'est-à-dire à quelle température ? À ciel ouvert, alors naturellement, l'eau fait environ, en ce moment, 9 à 10 degrés. 9 degrés, mais vous allez glacer les auditeurs, hein, pensez à leur parler de baignade à cette époque. Et c'est aussi une démarche très personnelle, très intime. C'est vrai que c'est en hommage à papa, qui lui était passionné. Donc déjà lui, il s'investissait vraiment. Il avait même créé des compétitions en Normandie. Et puis il était connu, et puis il était apprécié. Monsieur Avenel, vous avez une vedette absolument sensationnelle à cette épreuve. Nous avons la participation assurée et confirmée d'Alex Jani, notre grande vedette internationale, ex-recordman du monde. Oui, ce qui prouve tout l'intérêt et toute l'importance que prend cette Coupe de Noël Grandvillers. Avec quoi vous filmez, Nifa ? Juste un iPhone, un petit micro-cravate et puis un trépied. Christine Caron, vous dites, à propos de la fin de votre carrière, je suis une vieille à 20 ans. Parce que ça faisait 10 ans que je faisais de la compétition, donc en gros c'était 10 ans à 20 ans. Et j'en avais fait le tour pour moi, c'est-à-dire que j'ai eu une médaille aux Jeux Olympiques, j'ai eu record du monde, d'Europe, de France, j'ai été la première à être championne des États-Unis aux États-Unis, parce que c'était un open, donc c'était l'équivalent d'un championnat du monde, il n'y avait pas de championnat du monde à l'époque. J'ai été la première femme en 68 à porter le drapeau aux Jeux Olympiques, donc j'ai ouvert cette voie aux femmes, parce que c'était un club réservé aux messieurs. Bon, j'en avais fait le tour. J'avais fait le tour du monde aussi. Voilà. Puis on gagnait pas d'argent. À l'époque, on était totalement amateurs. Et si on recevait de l'argent lorsque vous étiez aux Jeux Olympiques, on était radiés. Donc, c'était un peu compliqué quand même. Et puis, il faut aussi savoir qu'à cette époque-là, on était majeur à 21 ans. Donc, j'habitais encore chez mes parents. Donc, c'est pas la même façon de voir les choses que maintenant. Ça n'a rien à voir. Comme je dis souvent, nous, on était en noir et blanc. Maintenant, ils sont en couleur. Mais bon, le noir et blanc, ça a du bon aussi. Et Christine Caron, qu'est-ce que vous pensez de la couleur ? J'adore la couleur, j'aime beaucoup le noir et blanc, mais très sincèrement, bon, en dehors du fait que maintenant j'ai quand même beaucoup d'années en plus, mais j'ai adoré cette époque parce que on n'avait pas les mêmes communications que maintenant, mais par contre, je pense qu'on était beaucoup plus libre en fait que maintenant. Sous la surface, je m'ouvre immédiatement, je lâche de l'air en bulles brillantes et soudain un ciseau puissant, puis j'ondule. Je nage sous la surface. Je me glisse dans cet espace que j'aime. Le choc absorbé reste la liberté. Sais-tu que la surface du dessous est un miroir dansant où tu peux te voir entière, sauf ton visage? Je te raconterai la surface du dessous, je te dirai la danse des bulles d'air scintillantes sur les ongles. Je te montrerai le rythme du souffle comme prière, tu verras. Mais à présent, j'ondule, pur plaisir d'avancer, d'habiter son souffle, de retenir le besoin d'air, la surface, si tu savais comme je suis bien. L'odeur de chlore, d'Irma Pelletan. Maintenant que l'on nage avec des lunettes, j'adore le bleu. Donc j'adore la couleur de l'eau. Enfin, moi, ça m'apaise complètement. Messieurs, dames, fermeture des bassins dans 20 minutes. Nous vous invitons à revenir le vestiaire. Merci. Nous nous sommes jetés à l'eau avec Mifa, Claire Agère, Brigitte Danteau, Christiane Biardot, Régine Richer, Christiane Pigné, Christiane Ketterer et Christine Caron. Allez, on ferme. Hurry up. Et alors, Seigneur, c'est comment? Seigneur? J'adore. J'adore. Le jeu avance. Ce sont là de très bons niveaux, toujours intenses, sans bavio. Mifa a lu un extrait de L'odeur de chlore d'Irma Pelletan. Nous avons nagé avec L'effet aquatique de Solveig Anspach, La naissance des pieuvres de Céline Sciamma et Welcome de Philippe Yoré. Merci au club de Dunkerque Natation, à la Fédération Française de Natation et ses maîtres. Merci à Lina et Aude Vassan pour les archives. Merci aux nageuses, à nos grands-mères, à la Croix-Catlan et Thierry Ray. Coordination, Christine Bernard, prise de son, Sandrine Malon, mixage, Éric Boissé. Belle est la chance. Histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Il paraît que l'histoire est un éternel recommencement. Mais c'est une autre histoire.